Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 3 août une communication contre les autorités sud-coréennes qui font du scandale au sujet de notre réussite au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Voici le résumé. L'actuel gouvernement sud-coréen a convoqué urgemment, vers minuit, la réunion de la sécurité. En prétendant la puissante riposte, il a ordonné à ses subordonnés les exercices sud-coréens-américains de lancement des missiles balistiques, la disposition supplémentaire des quatre rampes de lancement de SAD, la promotion de la négociation pour la révision du guide de missiles avec les États-Unis et l'examen du projet de la sanction séparée contre le Nord. Les autorités sud-coréennes lancent à travers la déclaration gouvernementale des propos absurdes suscitant la confrontation comme la menace sévère et le résultat ne sera que l'isolement diplomatique et la pression économique. En qualifiant le contenu de l'ordre du gouvernant donné dans la réunion de la sécurité comme les quatre décisions, elles visitent leurs suzerains américains et japonais pour la réalisation. Surtout, les autorités militaires sud-coréennes ont discuté du projet de riposte militaire contre le Nord avec le président du Conseil des chefs d'état-major interarmes américains et le commandant en chef des forces armées américaines du Pacifique, livré successivement les exercices conjoints de lancement des missiles balistiques avec les États-Unis et les exercices conjoints de frappe aérienne mobilisant le bombardier stratégique B-1B et révélé complètement la tentative de frappe de précision séparée contre le commandement de guerre du Nord et les installations principales. Apeuré par le lancement d'essais de la fusée balistique intercontinentale de notre République visant les États-Unis au-delà de l'océan, les autorités sud-coréennes parlent des exercices conjoints de lancement des missiles balistiques avec les États-Unis et de la disposition supplémentaire des rampes de lancement de SAD. Cela montre leur intention de plaire aux suzerains américains en cherchant chicane au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de notre République. C'est vraiment ridicule que les autorités sud-coréennes, voilées des États-Unis, parlent déraisonnablement des soi-disant sanctions séparées et puissantes ripostes militaires. Elles doivent réfléchir profondément à des conséquences de leur démarche absurde.